Les petites histoires de Tell Me. Coucou, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je vais vous parler du podcast et du programme du mois d'octobre. En septembre, Arthur vous a raconté 4 légendes. Et il en a encore plein d'autres, croyez-moi. Mais j'ai encore besoin d'un peu de temps pour pouvoir les écrire et les peaufiner. Alors, il reviendra en novembre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'histoire les mardis d'octobre, bien au contraire. Vous allez faire la connaissance d'Oscar Duchemin. Avec sa famille, il parcourt le monde à bord d'un van. Ce sont les héros des Minimondes, une marque que j'adore, qui fabrique des jouets en plastique recyclé géniaux et qui, tous les 2 mois, publie un carnet de voyage rempli d'histoires, de jeux, d'anecdotes et de trucs à savoir sur le pays qu'Oscar et sa famille visitent. En ce moment, ils sont en Russie. Et comme je sais qu'Oscar est fan de légendes, j'ai proposé au créateur des Minimondes de lui faire raconter des contes et légendes russes. Et ils ont accepté, et j'en ai écrit 4. J'ai très très hâte de vous les faire écouter, d'autant plus que Léa, qui s'occupe de l'habillage sonore, s'est dépassée. J'espère que ça vous plaira. Autre chose, octobre, c'est le mois des frissons, enfin surtout la fin, parce qu'il y a Halloween. Alors, je vous ai concocté une histoire spéciale, qui va durer pas loin de 30 minutes. Ouais, vous avez entendu, 30 minutes. Avec un super habillage sonore, plein de bruitages et de musique qui vont vous faire frissonner. L'histoire s'appelle « Le coloriage maudit ». Pour fêter ça, j'organise une avant-première. Elle a lieu le dimanche 18 octobre à 14h à la Gaîté Lyrique de Paris. C'est gratuit. Ça me ferait trop plaisir que vous veniez. En plus, à la fin de l'écoute, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Alors, si vous êtes sur Paris le 18 octobre, venez. Les places sont limitées et il faut les réserver. Je mets un lien dans les notes de cet épisode pour que vos parents puissent prendre vos billets. Si je peux faire tout ça, c'est grâce à vous, parce que vous m'écoutez, mais aussi parce qu'il y a des sponsors. C'est pour ça que parfois, vous pouvez entendre de la publicité. Cela me permet de payer tous les gens qui mettent sur le projet, mais aussi de financer des histoires spéciales, comme celle d'Halloween. Parce qu'entre l'écriture, l'enregistrement, la création sonore et l'illustration, c'est presque 3 semaines de travail. Mais je sais que la publicité, ça peut déranger. Alors si jamais les petites histoires comptent pour vous et que vous ne voulez plus entendre de publicité, vous pouvez nous soutenir grâce à Patreon. Avec juste 1 euro par mois, vous nous aiderez beaucoup et vous pourrez écouter toutes les histoires sans publicité. Et pour 3 euros par mois, vous aurez accès au livre numérique des épisodes pour pouvoir lire les histoires. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur tellming.com/soutien. TALEMING.com/soutien. Avant de vous laisser, j'ai une dernière chose à vous dire. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur le podcast, la création des histoires, la manière dont je travaille et dont on enregistre les épisodes. Eh bien, je vais vous préparer un épisode spécial dans lequel je répondrai à toutes vos questions. Alors, si vous en avez, demandez à vos parents de m'envoyer un email, de m'écrire sur Facebook ou sur Instagram. Vous pouvez même laisser des commentaires sur Apple Podcast. L'épisode devrait arriver dans le courant du mois de novembre. Voilà, c'est tout pour cet épisode un peu spécial. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. L'esprit d'équipe est très important pour aller au bout de soi. Et les sports apprennent le sens de l'effort et la persévérance. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Transmettre ce que j'avais appris tout au long de ces 8 années, c'est-à-dire la force que les femmes ont en elles et qu'elles ignorent parfois. Transmettre aussi toute la générosité et la bienveillance que l'on m'a donnée. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur Le Sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole.